voir autant que le char en végétation. Spotter les coins de rue sur les bouches d'aération ou à chaque station. Métro, restant statigué dans le litron, se demandant si sort métro après avoir bu trop d'alcool. Devant les yeux des gosses fuyant l'école, préférant effrayer les vieux que s'affronter sur les consoles. Faut prendre conscience que l'argent a pris le monopole et le contrôle de nos vies. Y'a plus important l'amour de la famille. Y'a plus incohérence expliquée en pointant automatiquement le fusil. Le coupard et 5 corps de plus par terre. Une mère en pleurs, le détenteur de l'arme en tôle avec ses partenaires. La violence a pris une telle ampleur en si peu d'années. Le taux de mineurs et le nombre majeur des condamnés. Ce constat compresse le cœur des proches. Certains s'empressent d'avoir la lame en poche. Toutes les larmes et les reproches. On coche toujours les mêmes cases de ces cris de l'auto. Les boules défilent et c'est les boules pour ces gens au bout du rouleau. Qu'espère encore le gros lot. Sous les gros lots, les troupes de jeunes gars squattent les halls, guettant le mauvais coup comme des squales. Pour un morceau de toile, en deux temps, trois mouvements, le couchal finit à poil. Des traces de sang sur la plupart des survêtements. Des traces de métal démontrant qu'on est resté survivant d'une bagarre déclenchée bêtement par une bousculade qui fit basculer ta vie. Maintenant tes promenades se feront à bord d'une chaise roulante. Ô Seigneur, faites que cela ne soit pas une de nos éprouvantes destinées. Dans cette roulante société, où parmi tes semblables t'es même plus en sécurité, y'a plus de sûreté. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. J'emmerde ce monde de vendu, où pour les gens seule l'apparence prime. Où trop de rappeurs voguent sur la tendance crime. Se vendent d'être des menteurs, des types sans principe qui n'ont que l'argent pour moteur. J'essaie de rester droit au milieu des tordus. Ma structure est tordue, bise merde où les requins se broient. Prennent les MC pour des oiseaux de proie. La chasse au blé oublie que le but premier n'est pas d'être roi. Comprennent pas que ce sont les actes qui font un homme, pas son passé, sa réputation ni ses bonnes femmes. Oscar Bonne Crame, les adeptes du camp dira-t-on. Les riches qui fantasment sur la vie dans le béton. Représentent mes frères qui errent sous l'œil du maton. Jugés coupables mais parfois victimes de l'état raton. Et pour que les choses changent, me plains pas. Finement je peaufine les armes avec lesquels je me bats. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. Oh triste France, pour toi pour plein y'a plus d'enfance. Ils disent que dans ce pays y'a trop d'offense. Et puisqu'on danse, avec le diable, fait des disques, s'abîme, dis ce qu'on pense. Pour ceux qui sont clean, même pour tous ceux qui se défoncent. Pour notre défense, défonce les portes, puisqu'on porte un flambeau. Lancement dans l'embauche, qu'on sort sans faire les faux. Même sans disque d'or, sur ma liste d'or. Des gens qui résistent fort, contre un triste sort. Malgré qu'on soit tous réalistes à mort. J'persiste encore dans mon art, cochant pour ceux qui s'entrichent et veulent s'en sortir. Et les futurs ex-zonards. Trop de connards dans cette triste France. Plus rien ne tient la distance. Trop le misque dans l'illicite et ce disque dans ce pays. De toute façon, qui sera tous dedans. De bons gars deviennent des caillera juste parce que c'est la mode. Mais quand est-ce qu'on se détend? Cette vie sans code nous tend des pièges. Beaucoup tombent dedans. Entendre les mauvaises voix, c'est ceux qu'on étend. Entend et voix. Finissent dans du plastique enveloppé. Pourtant y'a des sous, c'est pas sous-développé. Abuse du A au Z, écrire pour décrire. Pas ceux qui se taisent, plaide, baise, écrit des thèses. Pour que ça baisse, c'est un tristesse. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance. Car impitoyable et pitoyable le monde dans lequel on vit. Triste France, pays de notre enfance.